Bonsoir des bâtons d'Anguirou, laisse place ce soir à sa succursale rugby, la bite dans la porte, générique. À nous les terribles guerriers du Pilou-Pilou qui descendent dans la montagne vers la mer. Avec nos femmes échevelées, allaitant nos enfants, à l'ombre des grands cocotiers blancs. Et voilà, la bite dans la porte, deuxième épisode, une émission qui va être concoctée en grande partie par le docteur Lehmann, bien sûr, c'est le grand spécialiste rugby de notre équipe, qui va vous présenter, chers auditeurs, chères auditrices, le sommaire ainsi que les invités de cette émission. Et oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition de La Bite dans la Porte avec une thématique spéciale France-Angleterre puisque c'est le match qui aura lieu samedi soir. Donc avant de passer à ce sujet brûlant, on va d'abord faire une petite mise en bouche qui nous permettra d'écouter une de nos invitées, Marie. Marie, bonsoir. Bonsoir. On vous entend bien, Marie ? Oui. D'accord. Très bien, moi je ne vous entends pas, mais c'est pas grave, je dois avoir un défaut dans mon casque. Veuillez bien parler dans votre micro, Marie. Oui, d'accord, je suis débutante. Très bien, je l'entends toujours pas, mais c'est pas grave. Je vais trouver une astuce. Alors donc voilà, on va avoir une mise en bouche avec Marie, avec les calendriers, un nouveau calendrier, une proposition audacieuse. On va retrouver bien sûr le coach Luc. Bonsoir coach. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs de Radio Galère. Comment allez-vous coach? Bah écoutez, ça va. Ça va aller. Bon, très bien. Après cette mise en bouche, nous allons passer un deuxième temps. Un deuxième temps où il sera question de rugby, plus proprement parlé, du rugby international. Et on va essayer de faire le lien entre la Coupe du Monde et le passage à ce tournoi destination avec deux invités, deux experts, deux rugbymen, de furieux rugbymen. Un certain Thomas Quentin qu'on a déjà reçu. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Comment allez-vous, mon cher ? Très bien. Super. Et Renaud Vincent, acolyte bergalien. Bonsoir, Renaud. C'est ça, Renaud de la Berjalie. Renaud de la Berjalie. Qui vont nous faire vivre cette deuxième partie, ainsi que ce troisième temps qui sera autour du France-Angleterre, le péché mignon. Et voilà, un programme donc très chargé. On s'excuse d'être en retard, mais on a eu un petit problème de clé. Et il est possible qu'on dépasse un petit peu notre émission qui finira peut-être un peu plus tard ce soir. Merci mon cher Doc pour ce très très beau sommaire que vous nous avez concocté. Je crois qu'on commence donc tout de suite par les mises en bouche et il s'agirait d'entendre donc notre invité numéro 1, il s'agit de Marie. Alors la mise en bouche, c'est en fait un 15, une équipe, mais inspirée très fortement du calendrier des lieux du stade. Donc je vais quand même déroger à la règle du calendrier, mais je vais piocher dans les équipes qui jouent en ce moment dans le tournoi destination et ailleurs. Je ne me suis pas limitée parce que le rapport au corps, il dépasse les six nations. Alors les plus beaux bébés des piliers, ça serait Vincent Debatty, Adam Klimberger, le Canadien, qu'on connaît peu puisqu'on le voit peu jouer, mais quand même un beau barbu. Troisième barbu, Castro Giovanni, donc un classique italien. Donc voilà pour les piliers. Et vous remarquerez que tout ce petit monde coïncide pas mal avec la physionomie du coach Luc. Deuxième ligne, les frères Gray, les petits blancs, qui envoient, qui nous ont battus dernièrement. Ouais, qu'on a bien vu du coup au dernier match là. Voilà. Mais c'est pas incestueux de les mettre tous les deux dans un calendrier du stade. Alors justement, pour paraître un peu moins incestueuse, il y aurait peut-être une préférence pour Johnny Gray et Gédrasiak à ses côtés. Ensuite, on va plutôt préférer Sergio Parisse. Le beau gosse. Ouais, ouais. Le divin chauve. Il envoie là. Des chauves qui nous rassurent. Des chauves et des barbus. Et bon, après, j'avais noté quand même Stéphane Hermitage au même poste parce que vraiment, il envoie dans toutes ses rondeurs. C'est quand même assez impressionnant. Un vrai gratteur. La cohérence, voilà, la cohérence de tout son corps, tout en rondeur. Le nounours de ses dames. Exactement, c'est ça. Alors, au poste de demi-mêlée, j'avais des nostalgies pour Elissade. Je ne sais pas si on se souvient à la table. On en a tous. Voilà. Donc, on a quand même encore Morgan Parra, quand même. J'ai une question à poser aux spécialistes d'ailleurs à propos d'Elissade. Je trouve que le demi de mêlée écossais lui ressemble beaucoup physiquement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, mais il a moins de malice, si tu veux. Dans le Craig Ledlow dans... Non, je trouve que Craig Ledlow est beaucoup moins. Beaucoup moins sémillant que Jamba. Non. Il n'y a pas le petit rictus, tu vois. Le petit... Mais on a pu voir sa malice quand même dimanche avec le petit. On tient le maillot pour retenir, pour éviter le plaquage quand même. C'est vrai. Bon, dans le genre malicieux, mais qui n'est pas sélectionné en ce moment, c'est pas Yogue à Montpellier. On l'oublie, je pense. Je ne le connais pas. Coupe au bol, tout ça. Ouais, plein de coupes, ouais. Intéressante, effectivement. En numéro 10, bon, bah là, y a, c'est Jules Plisson, bien sûr. En tout cas, dans le calendrier. C'est un beau gosse, Jules Plisson, alors. Ouais. Ouais, c'est incontestable. Alors. Moi, personnellement, j'ai vu une photo. Il a déjà participé au calendrier des dieux du stade. On peut le voir sur une photo. Et il fait quand même un peu pute de prison. Ouais. Je ne pourrais pas dire. Mais... C'est à ce point-là. C'est à ce point-là, effectivement. Donc, il a sa place. On attend Bergamasco, alors. Eh bien sûr. En numéro 12 ou 13, Bergamasco, qui là, quand même, en référence au calendrier... Crève l'écran. Mirko, bien sûr. Alors, il y a plusieurs Bergamasco, non hein, c'est ça. Oui, il y a deux frères, mais il me semblait que le trois quarts jouait plutôt ailier. Il a aussi joué centre, Mirko. Trois quarts centre ou ailier, ça arrive souvent, effectivement. Mmh. Ouais, en Italie, ils sont pas trop. Est-ce que c'est ce genre de joueur qui met du gel avant de faire un match de rugby, ouais. C'est ça. Ah, Bergamasco, je suis pas sûr, non. Ça doit être de la vaseline, alors, peut-être. Ouais. Je pense que c'est vraiment la plasticité de la bouclette qui... Tu vois, non, je pense qu'il aurait pu servir de modèle pour de la statuaire classique romaine. Ouais, ou pour un du Pasolini, il aime bien le blush aussi, moi j'ai remarqué. Bon, ensuite, Palisson, Alexis Palisson, pas sélectionné non plus, mais dans le calendrier, il est très très impressionnant aussi, très sérieux, très sérieux. Et en face, bah, Vincent Clerc, allez. C'est Vincent Clerc, c'est facile, il est un peu de premier de la classe, là, c'est lui qui est dans le calendrier alors. Il est un peu vieux. Ouais, ben, il me semble que c'est simplement le beau-fils de Noves, non c'est ça. Arrête. Ouais, je crois. Ah bah voilà. Je confirme. Je crois qu'il se tape sa fille de Noves. Mais ce n'est pas que ça, Vincent Clerc. Ouf. C'est un petit peu quand même. C'est toute une carrière quand un même. Un type qui potentiellement a une gouttière quand même, non? J'imagine, moi. Je l'imagine comme ça. Il a carrément une gouttière. Ah, voilà. Je t'appuie complètement, Manu. Merci. Je demande une photo. quand même, c'est quelqu'un qui met des cravates pour TF1, donc je ne voudrais pas dire... Respect. Oh, respect, ouais. Mm-hmm. C'est un pote à Christian Jean-Pierre, maintenant. Hein. Quand même, c'est pas rien. On en rêve. Bon. Et enfin, numéro 15. Alors là, les arrières, il y a vraiment l'embarras du choix. Donc j'ai beaucoup hésité. J'aime bien Brice Dulin, qui n'est pas sélectionné non plus, mais il est quand même il est assez polyvalent, quoi. Il court vite, il s'est bien plongé avec classe. Il plonge super bien. Mais je me demande si je ne vais pas quand même sélectionner Mike Brown. Aïe. Voilà. Mike Brandt. Parce que en fait, c'est pas juste l'esthétique quand même, c'est aussi la musculature. L'anglais. C'est un pitbull. C'est un pitbull. C'est un pitbull. Ouais. Il a tout du pitbull si on devait. Il a tout de l'anglais qu'on déteste. Qu'on déteste, ouais, vraiment. Ah, il va nous faire mal, je pense. Ouais. Pour lancer. Et Maxime Médard, non, il n'y a aucune chance de le voir dans votre calendrier, Marie. Bah, à la place de Vincent Clerc, c'est vrai que c'est peut-être plus actuel. Mais flaquette quand même, il y a peu de flaquette dans The Doors. Si Maxime Médard, c'est The Doors pour moi. Ouais. Je sais que vous aimez beaucoup ce joueur-là, cher Thomas. Médard, ouais. il s'est appauvri physiquement. Ah, c'est vrai. Et puis techniquement aussi. Mais ma chère Marie, dites-moi, votre paire de centre, c'est les frères Bergamasco ? Les paires de centre, trois quarts centre ? Oui, puisque il me semble qu'on n'avait entendu qu'un seul trois quarts centre. Effectivement, j'ai Bergamasco et j'avais Fofana, qui lui dans le calendrier a vraiment la classe, c'est-à-dire qu'il se met frontalement face à la caméra, mais détourne la tête en faisant croire qu'il y a quelque chose qui le perturbe à côté dans le champ. Et ça, c'est le seul à la jouer comme ça, face à l'objectif. Eh bien, alors, j'écoute vos commentaires, messieurs, moi, sur cette équipe. Regarde du côté des îles, peut-être. Bien, dis donc, coach. Comme vous y allez. Je vous rappelle que nous sommes sur l'antenne de Radio Galère, coach. Vous devez faire une confusion. Enfin bon. En tout cas, c'est un calendrier audacieux hein, qui nous montre, en tout cas, moi, en première ligne. J'ai pas bien entendu, mais je un crois... Un calendrier de 15 mois, puisque c'est... Déjà, c'est déjà très ambitieux pour ça. C'est déjà bien, ouais. C'est vrai. Et c'est vrai que ça nous... Il y a eu la part belle, au pilier, au pilar barbu, et ça, c'est vrai que c'est assez cool. Ça fait plaisir. De Bâti ? Pour quelle raison De Bâti ? De Bâti, j'ai beaucoup feuilleté les Google Images, et franchement, sur son profil gauche... Il a un profil ? Disons que 2-3 quarts gauche. Franchement, il peut être séduisant. Je croyais que c'était juste une oreille, mais bon, si c'est un profil, tant mieux. Bah, c'est un profil hipster, un petit peu, non ? Un gros barbu, rasé. Gouttière ? Avec des gros sourcils. Certainement en gouttière, ouais. Mmh. Une fois de plus. On dit que mes canons sont hipsters. On a un peu l'impression, Marie, oui, que vos canons sont un peu hipsters. Mon goût pour le rugby date de ma préadolescence, donc ça m'étonnerait quand même que... Oui, bah, de bêtises. Ça soit aussi. Bon, je veux bien te laisser de bêtises. Alors, Doc... comment est-ce qu'on enchaîne après cette première mise en bouche, genre ? Eh ben, on enchaîne avec ça. À 46 points et une victoire à 60-31, qui est le record, qui était en play-off 97-98. Et la plus large victoire de Clermont à domicile cette saison, c'était face à Bourgoin. Il y a trois journées, 57-23. Patrick Sébastien, on lui demande une chanson. À sa chambre, hein, en plus. Oui, mais enfin bon, il est pour rien. Hein, il est pour rien. Avec Spelling. Oh, là. 45 points d'écart et toujours ce zéro pointé pour Brive, qui risque de faire très, très, très mal aux têtes en cette fin de saison. Après avoir bataillé si ferme pour obtenir une place européenne, ils sont pas loin de la perdre, ces brivistes, avec la relance de Barry Davis. Non! Et le petit bonhomme en mousse qui résonne dans Marcel Michelin. Ah oui, ça. Le supplice jusqu'à la lie pour cette équipe de Brive. Alors, on a bien compris, docteur, qu'il s'agissait d'un extrait de match, mais de quoi s'agit-il précisément ? Eh bien, visiblement, c'est un petit bonbon que le coach a décidé de nous offrir ce soir. Et c'est durant un match de l'ASM, donc de l'AS Montferrand contre le CA Brive Corrèze, où visiblement le public montferrandais, ou clairement montferrandais, se moque de Patrick Sébastien. Alors, est-ce qu'il est bien de se moquer de Patrick Sébastien ? C'était un petit peu la question que le coach voulait poser à travers un débat qui s'intitule, je crois, cher coach. Balayer la porte. Balayer devant la porte balayer avec la bite. Devant la porte avec la bite. Voilà. Oui, c'était un débat, en fait, de savoir, c'est au regard, j'ai presque dire au sus, de toutes les valeurs soi-disant de l'Ovalie, du rugby. Je veux dire, qu'en est-il de la place laissée par Patrick Sébastien ? Voilà. Que faire de Patrick Sébastien dans le rugby français ? Bah, c'est vrai que moi j'ai envie d'interroger là-dessus quelqu'un qui fait partie du très très très grand massif central, le bergalien Renaud. Renaud, dites-nous tout. Vous qui avez, vous appartenez quand même à un terroir où des grands noms comme Marc Cessillon ont laissé des empreintes marquantes. Des que sacrées empreintes marquantes en effet. Voilà, que pensez-vous de ce bon vieux Pat Seb, comme on l'appelle parfois ? Eh ben, on sentait qu'il avait quand même des méthodes bien à lui qui ont fait progresser ou pas le rugby, mais... Moi, dans ma petite connaissance, j'ai vu par exemple des gens comme Venditti, que vous avez pu connaître. Le Bœuf. Voilà. Bah, quand il a commencé à Bourgoin, on ne l'appelait pas le Bœuf, mais il a passé quelques temps à Brive et puis il a eu un petit changement de morphologie et on a senti d'autres valeurs qui sont venues. Est-ce que c'est la musculature et peut-être, c'est l'entraînement, je ne sais pas. Mais on sentait qu'on s'éloignait un peu peut-être. En tout cas, on rentrait dans un rugby peut-être plus moderne, autre chose, quoi. Qui s'éloignait un peu de nos valeurs de la Berjali, peut-être. Parce que Patrick Sébastien, c'est quand même, je veux dire, le Jésus-Christ du rugby cassoulet, quoi. Donc, c'est une sorte d'apôtre, comme ça, de ce rugby cassoulet digne de la troisième mi-temps permanente. Alors... ouais, peut-être un Bernard Tapie bourré, en fait, simplement. Moi qui n'y connais pas grand-chose en rugby, j'ai tout le temps envie d'associer Patrick Sébastien à un autre grand président du rugby qui est Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Et pour moi, les deux font la paire. Mais est-ce que vraiment ? Oula, pas du tout, pas du tout. Là, on est sur deux terrains très, très, très différents pour moi. Pierre Martinet, en effet, tenait un peu en perfusion le club de Bourgoin, mais avec Michel Couturas, qui était ce fameux entraîneur de Bourgoin du CSBJ pendant un petit moment, on était vraiment sur d'autres valeurs, à mon avis, que sur le CA Brive-Corrèze. Voilà. Avec, en effet, pas les mêmes ambitions. Et en effet, Brive, qui a été, je crois, le premier champion d'Europe de l'Age Cup. Et Bourgoin, qui a toujours couru après plusieurs titres. Champion d'Europe à l'époque où Patrick Sébastien était président. En effet, voilà. Et c'est les plus belles heures du Brive... Je sais pas comment on appelle ce club, hein, le CAB, le CABC. Le CABC, et c'est les plus belles heures de ce club sont à mettre à l'actif du président Sébastien. Il faut bien l'avouer, à l'instar de Bernard Tapie, c'est vrai. Moi, je trouve que la métaphore de l'ami Thomas est pas mal. C'est, enfin, la métaphore, le petit surnom de Bernard Tapie bourré, ça lui va plutôt bien. Bourré jusqu'à revenir pour des troisièmes mi-temps, même en tant que président. Mais en France, on s'en souvient, quoi. Il est vrai. Et pour reprendre le club, et puis, bah, finalement. Pas parvenir à grand-chose. Alors aujourd'hui, bah, le CA Brive-Corrèze est finalement un club un peu comme les autres qui arrive à tirer son épingle du jeu en top 14, sans Patrick Sébastien, je crois. Bah, et, actuellement, ouais, il fait partie un peu du ventre mou du top 14, comme on dit, un peu comme Grenoble, c'est-à-dire qu'il ne joue pas vraiment le maintien, mais qu'il ne joue pas vraiment les phases finales pour les 6. Il vivote un peu au milieu, mais avec pas assez de, peut-être, de moyens ou pas assez d'ambition pour aller plus haut. En tout cas, ça a été un détonateur pour la chanson française, ça c'est sûr. Et à mon avis, pour les publics rugbystiques qui sont quand même friands de ce genre de chanson. Et je ne sais pas si les spectateurs finalement de Marcel Michelin étaient bien en train de chambrer Patrick Sébastien. Ça, c'est une question qui reste un petit peu en suspens. Mais alors, vous allez me dire si je me trompe, mon cher coach, balayer devant la porte avec la bite, tel était le titre de ce débat. Ça voulait aussi un peu parler des valeurs de l'Ovalie en règle générale et de ce qu'étaient vraiment ces valeurs de l'Ovalie. Et notamment, en préparant cette émission, vous m'avez dit, mon cher coach, moi, dans cette émission sur le rugby, ce que j'ai envie de faire, c'est un peu de foutre la merde. Et du coup, de dénoncer notamment cette espèce d'idée reçue comme quoi le rugby aurait des valeurs, alors que le football, par exemple, un sport qui nous occupe beaucoup dans des bâtons d'Anguirou, n'en aurait pas. Alors, donc le rugby, hein, est, paraît-il, un sport de voyous joué par des gentlemen. alors que le football serait un sport de gentleman joué par des voyous. Et j'ai un petit peu, en fait, en pensant à ce débat, eu du mal de concilier les mots Patrick Sébastien et gentleman. Je dois avouer que quelque part, il y a le côté cochonou, hein, peut-être, de Patrick Sébastien, et ce dont il nous fait, ce dont il nous abreuve à la télévision, me disait quand même que quelque part, il y avait une sorte de hiatus avec cette espèce de dignité, de la solidarité, de la souffrance hein, qu'on peut retrouver dans le rugby. Alors je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades. Si, voilà, que, c'est pour ça, que faire finalement aujourd'hui de Patrick Sébastien Je pense que c'est un adage qui est anglais. Je ne pense pas qu'on puisse le retrouver, notamment dans le sud-est de la France. Et encore moins chez Patrick Sébastien, à Brive. Quoi. Je pense que ce n'est pas forcément une... Le rugby ne transporte pas de valeur... on va dire si intéressante et que celle des gentlemen. Que celle des gentlemen, exactement. Et Patrick Sébastien est un peu comment dire le représentant symbole, du rugby. Le symbole du rugby qui part un peu en live en France, il me semble. C'est quand même un petit bonhomme en mousse. Mais c'est un petit bonhomme en mousse qui est prôné aussi le fait certainement de casser des glaçons sur des comptoirs, si tu veux. Donc c'est un peu les valeurs du rugby qui sont pas sur un terrain en fait. Donc évidemment, lui, il représente la fiesta, machin, mais je suis pas sûr vraiment qu'il comprenne vraiment les règles du rugby. Casser des glaçons sur les comptoirs, a priori, je suis content que vous en parliez, Thomas, parce qu'a priori, c'est quelque chose que vous avez vous-même éprouvé. Et oui. Vous pouvez nous dire en deux mots de quoi il s'agit exactement pour nos auditeurs, bien sûr. C'est un jeu absolument stupide. Alors, il s'agit de prendre un collègue absolument ivre, de le mettre au bout du comptoir avec un sac de glaçons, de lancer les glaçons de ce bout de comptoir. Il a trois acolytes qui sont à côté du comptoir et qui sont censés attraper ce glaçon et de le briser avec leur front, les mains dans le dos, voilà, coup de tête. Et ça, souvent, ça se solde par une balafre sur le front. Et on le devrait à Patrick Sébastien, ça. On ne le doit pas à Patrick Sébastien, mais en tout cas, je pense qu'il défend ces valeurs-là. Et pas forcément les valeurs du rugby, et notamment, on parlait de gentleman tout à l'heure, je crois qu'on ne rejoint pas ces valeurs-là. Un rugby qui n'utilise pas sa tête pour réfléchir, alors, peut-être. est-ce qu'on lance le débat sur Olivier Merle ou pas? Moi, j'aurais plutôt envie de poser une question à Marie. Est-ce que ça ferait un bon président pour votre calendrier, Marie, que ce Patrick Sébastien? Pas du tout, pas du tout. Enfin, déjà, il faudrait le mettre sur un terrain de rugby. Alors, il mettons-le sur un terrain de rugby, genre d'un tournoi de gala. Il a joué dans l'équipe espoir de Brive, hein, ouais. Dans les moins de 19 ans. En fait, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à s'en débarrasser, en fait, de Patrick Sébastien. Donc, on le met sur un terrain de rugby, puis on le plaque, et il se coupe la langue, il se coupe la langue, et voilà. Ça serait mon petit plan. Moi, je veux bien, je ne suis pas contre. Après, bon, bah, ça fera des tristes, hein, en France. Patrick a ses... Oui, mais on a son héritage. On a son héritage maintenant. On peut l'enterrer sous une pelouse. Est-ce que ça va faire tourner les serviettes en France, la mort de Patrick Sébastien? Je ne sais pas. En tout cas, il est temps, je crois, mon cher docteur, de passer à une autre de vos facettes, j'ai envie de dire, celle de... Puisque vous avez été, on le rappelle au début, chorégraphe. Voilà, chorégraphe, puis docteur en géographie, géopolitique. Et maintenant, vous êtes auteur dramatique. Et oui. Et je vais donc lancer cette petite dramaturgie. Richard III, drame radiophonique au prisme du rebondissant aléatoire. Avec les trois Richard. Richard d'Ourte-Tombe, avaleur de ballon. Richard Visserin, malgré lui, abonné absent. Richard Son Jason, le fils de Ja, son fils, c'est-à-dire Ja. Stuart Lancaster, fossoyeur du 15 d'Angleterre. John Murray Daniel Bigard, duc de Galles, chanteur de gestes. La reine Marguerite Thatcher, slameuse de la loi du marché. Saint Andrew, dit le Goret, valet de Gloucester. Barnard Tudor, meunier, gardien de la tour, Deus ex machina. Novembre 2015, l'Europe tremble, le Brexit menace, les frontières s'imperméabilisent. L'amour du maillot et la haine de la rose des trois Richard les conduit hors de France, avec un seul objectif, empêcher Stuart Lancaster d'être sacré dans son temple de Twickenham. Acte 1, scène 1, gare du Nord, terminal de l'Eurostar, enregistrement des bagages, les trois Richards. Richard d'Ourthe tombe. Pardi, je suis passé un opinel sanglé, innocent, anodin sur mon pénis altier et les bourses gonflées comme eût fait un cornac. Dedans, j'inséminais le précieux armagnac. Illusoire défense que cette marée-chaussée qui, prise de démence, a osé me toucher. Richard d'Ourthe tombe sort et monte dans l'Eurostar. Richard Visrinque. Mes bonbons emballés, cet écrin de fumée. Le pion mal embouché, des douaniers adamés. Shampoings et dentifrices emplis de maléfices. Et ces petits cachets à la chaîne avalée. Se mueront bientôt en violents artifices. Par le feu, notre escouade s'en ira triompher. Richard Visrinque sort et monte dans l'Eurostar. Richard sonne, Jason. Quel mirage ont-ils vu, me sevrant de viandiox, attaquant ma vertu en coupant cette lox, contrôle inopportun de cheveux du passé, qui comme chacun sait n'ont point de THC, prévenant et alerte à l'égard de ces lâches, j'en avais en effet truffé plein la moustache. Richardson Jason sort et monte dans l'Eurostar, bruit de train qui démarre. Voilà. On est bien, on est lancé, ce premier acte de cette dramaturgie rugbystique a pris ses bases, mon cher docteur. On a décidé de ne pas forcément en dire beaucoup plus sur cette petite représentation. Non. Voilà. Non. On va simplement enchaîner, alors, par conséquent, sur le sommaire, qui va nous conduire tout simplement à la partie 2 de la Coupe du Monde aux Six Nations, bilan et état des lieux. Et oui, puisque nous vous avions laissé trépidant après ce premier La Bite dans la Porte, donc en phase finale de la Coupe du Monde, voilà, où nous avons vu triompher donc des équipes de l'hémisphère sud, malgré quelques belles prestations d'équipes européennes, notamment l'équipe de Galles et l'équipe d'Écosse. Voilà, et donc ce serait intéressant de voir et de demander un petit peu à nos deux stratèges notamment, mais aussi à nos autres invités, ce qu'ils ont pensé finalement du retour de ces vaillants guerriers sur le continent européen et sur la scène européenne, voir si finalement ce rugby proposé pendant la Coupe du Monde, qui était un rugby finalement assez offensif, a tenu ses promesses en étant un petit peu prolongé pendant ce tournoi des Six Nations. J'ai envie de demander à Thomas notamment ce qu'il en a pensé. Écoute, Chardoc, je suis assez enthousiaste à l'idée de dire que les Écossais m'enthousiastent. C'est une équipe qui attaque, qui envoie du jeu en fait. Ça c'est un plaisir à les voir. Donc ils ont tombé les Français, ça m'a plu. J'ai un petit problème, c'est qu'on va se retrouver dans une situation absolument abominable, c'est que les Anglais viennent taper le grand chelem contre les Français, donc la semaine prochaine, il me semble. Oui, exactement, samedi 21h. Voilà, et donc il va falloir être agressif. Il va falloir vraiment casser leur jeu, parce qu'en fait, ils ont décidé de donner des balances qu'ils ne faisaient jamais. Donc il va falloir un peu les taper. Il va falloir qu'on joue ça, il va falloir qu'on soit un peu meilleur au pied. Les taper avec le pied ? Non, ouais, les taper avec le pied si on peut, mais effectivement, j'en parlais tout à l'heure, en attendant les clés, les fameuses clés, et je disais que les Anglais vont venir chez nous, évidemment, assez remontés, et si on les agresse pas, on va se faire avoir. Donc il va falloir qu'on casse un peu le jeu, ce qu'on ne sait historiquement pas faire, en fait. Nous, on est a priori une équipe qui joue, et les Anglais ne jouent pas, et en fait la donne s'est inversée. Les Anglais vont jouer, et nous, il va falloir qu'on casse un peu leur jeu avec des violences, un petit peu. Moi, j'ai envie de prolonger la question, c'est-à-dire que j'ai paradoxalement l'impression, n'y connaissant toujours rien en rugby, hein, que l'important dans le tournoi des Six Nations, c'est avant tout de battre l'Angleterre pour les, on va dire, pour au moins 4 des autres équipes du tournoi. Évidemment. Et que du coup, on va dire, l'enthousiasme des Français va être forcément décuplé pour ce rendez-vous, puisque déjà d'habitude, c'est hyper important de battre les Anglais, mais alors là, ça l'est encore plus. Moi, je pense qu'en effet, moi, je reste un peu optimiste. C'est-à-dire qu'on reste sur une confrontation spéciale entre la France et l'Angleterre, le fameux crush, et que tout peut se passer. Et qu'en effet, ça serait un tel plaisir de les priver du Grand Chelem pour dimanche prochain que ça nous ferait tous très plaisir. Voilà. Après, pour revenir à la Coupe du Monde, assez simplement, on se rend compte que finalement, en dernier carré, on a quoi ? On a les quatre équipes du Sud, quoi ? L'Argentine, l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc voilà, se rendre compte que finalement les Six Nations, c'est quoi ? C'est une sorte de seconde division du rugby mondial, et ça depuis peut-être 8 ans, même plus, et qu'on n'arrive pas à être niveau actuellement, quoi. Et les quatre nations du Sud jouent réellement beaucoup mieux au rugby, ou sont-elles, ont-elles une force de frappe un peu plus importante seulement ? Non, enfin, je ne me sens pas. Enfin, on a parlé du coup la dernière mission, mais c'est le fameux réalisme en fait de l'hémisphère sud. Sauf que là, on se retrouve donc. Enfin, le problème, c'est que on est entre équipes de l'hémisphère nord, et du coup, on commence à comprendre qu'il va falloir avoir des gens qui courent et qui font des très bonnes passes et un jeu en fait, un vrai jeu. La France actuellement n'a pas les moyens de le faire, donc si on parle de ce fameux crunch, il va falloir juste les planter réellement là-dessus, quoi, et essayer de bloquer ces mecs-là et du coup passer par une forme de violence. C'est très intéressant ce que vous dites, mon cher Thomas. mais c'est vrai que quand on parle d'une équipe comme l'équipe d'Argentine, par exemple, comment vous expliquez que l'équipe d'Argentine, qui n'a pas un réservoir de joueurs énormes, arrive à faire des performances comme celle-là, puisqu'on reproche toujours, par exemple, aux 15 de France de ne pas avoir des structures suffisantes pour avoir des temps de préparation assez longs. Et on voit que l'équipe d'Argentine, donc tout le monde joue en France ou en Angleterre, et finalement, ces joueurs arrivent à produire des super matchs, notamment en Coupe du Monde, et puis aussi de temps en temps dans le Four Nations, qui est finalement le tournoi très important dont vous parlez, c'est-à-dire ce moment où les quatre équipes de l'hémisphère sud se rencontrent dans des matchs aller-retour, ce qui est aussi important puisqu'il y a quand même 6 matchs. Je crois que ça a été plus long du côté de l'Argentine, mais ils ont vraiment choisi dès le début de cibler, de tout mettre en place pour l'équipe nationale, quoi. Et donc ça a été, en fait, ça s'est mis en place en effet, mais ils ont visé ça, et actuellement on voit de plus en plus, je crois que c'est plus quelle équipe en Argentine, mais la moitié de l'équipe joue vraiment pour l'équipe d'Argentine nationale, mais je crois que c'est, je sais plus quel est le nom de l'équipe en Argentine, mais bon. Voilà. Et du coup petit à petit ils arrivent à rapatrier tous leurs joueurs qui jouent en France, en Angleterre, et qui petit à petit reviennent en Argentine, car en effet il y a une franchise qui joue maintenant avec le Four Nations. Et... Non, en France, on a un gros problème. C'est simplement, on a beaucoup de joueurs étrangers qui viennent jouer dans nos clubs, et du coup, nos jeunes Français ne peuvent pas jouer en fait. Donc ça devient. Enfin, en fait, il y a la même problématique pour le foot anglais. Donc si on fait un lien avec votre émission, simplement, l'équipe nationale anglaise est pas super forte non plus parce que En fait, ils ont un championnat qui est hyper attractif, où les mecs sont super bien payés, donc des joueurs étrangers viennent, et les jeunes Anglais ne jouent pas, quoi. En France, c'est pareil dans le rugby. On a beaucoup de problèmes à trouver, par exemple, des demi-d'ouverture. Enfin, c'est parce que les demi-d'ouverture sont étrangers. On a eu Wilkinson, enfin... Toujours est-il que on a des très bons joueurs, je pense. On a un bon vivier, mais sauf que on ne peut pas les faire jouer parce que on fait venir des joueurs de l'étranger qui sont vachement plus payés. Et puis ça, quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour hausser notre niveau de jeu, se confronter justement aux équipes du Four Nations et inventer une compétition? Ça existe en fait. Il y a des matchs. Toulon, en fait, j'ai oublié le nom du président toulonnais, Boudjelal, essaie de faire des matchs régulièrement avec le gagnant du le tournoi. Je crois que là, on est plus dans l'ordre du spectacle que dans l'ordre du sport. Ouais, mais sauf qu'il tente un truc. Mais par contre, à chaque fois, on se fait curer, quoi. Les Toulonnais n'ont jamais gagné, quoi. Moi, je remarque quand même, dans ce que j'entends ce soir, qu'encore une fois, en rugby comme en d'autres choses, en France, l'étranger est souvent la source du problème. Et que s'il y avait moins d'étrangers, finalement, notre rugby serait peut-être plus fort. Voilà la leçon que je retiens de ce débat. Je me sens mal à l'aise, du coup. Après, ta remarque, j'ai l'impression de... C'était fait pour, mon cher Thomas. Évidemment. Tu pouvais éviter de prononcer mon prénom ce mois-là. Ça m'arrangerait. Non, je crois qu'on pourra aussi parler de la formation aussi en France, quoi. C'est-à-dire que peut-être, je vais peut-être déjà un peu trop loin dans l'émission, mais j'ai l'impression qu'on a des joueurs en France qui sont en effet de talent, mais pas des joueurs, comme on dit, de classe mondiale, quoi. C'est-à-dire que peut-être en termes de formation, déjà en termes de... Qu'est-ce qu'on fait avec une balle dans les mains ovale ? Déjà, peut-être, il manque des choses au niveau des petits à partir de 6 ans. Et quand on les voit jouer contre l'Écosse, là, je crois qu'ils font 11 fautes demain le match contre l'Écosse, là, les Français. Au niveau international, ben, déjà, c'est beaucoup trop, quoi. Mais peut-être pas, quoi. Qu'ils sont trop habitués à... Enfin, c'est vous qui allez nous le dire, puisque vous avez fait de la formation à faire des fourchettes. Peut-être que finalement, la grande passion pour la gastronomie française... Et la Bergali. Voilà, notamment celle de la Bergali et du Var, hein, quand même, disons-le franchement. Peut-être que cette passion pour la fourchette débordante nuit sur le terrain. Et mais c'est vrai qu'il y avait soi-disant... Doc, je me permets de t'interrompre, mais qu'est-ce que la fourchette ? La fourchette, exactement. C'est les deux doigts dans les yeux. Alors encore faut-il le prouver, ce qui ne se prouve que très rarement à la vidéo. Voilà. Après, c'est vrai que avant les gens sortaient avec les yeux en sang. Maintenant, ça se fait un peu moins. Donc, c'est vrai que on a tendance à ne pas pouvoir le prouver de cette manière-là. Il faudrait plutôt qu'ils s'exercent à faire quelques cuillères pour stopper les Anglais. Merci. Qu'est-ce que la cuillère ? Alors, c'est une façon de plaquer un joueur, mais en le prenant par le pied, donc vraiment au dernier moment. Ça a l'air d'être ça, non ? Oui, exactement. C'est exactement ça. Moi, j'ai une question sur le beau jeu, justement. À la suite de ce match de dimanche entre l'Écosse et la France, Guy Noves, le sélectionneur de l'équipe de France, dit que c'est plus la France qui a perdu ce match que l'Écosse qui l'a gagné. Qu'est-ce que vous en pensez, cher spécialiste ? Alors, au rugby, on a tendance à parler de fondamentaux. Et donc, les fondamentaux, c'est la mêlée et la touche. Et on a été pitoyable en mêlée, il me semble. Ouais. Donc, en fait, les fondamentaux te permettent d'avoir les ballons qui te permettent d'attaquer ensuite, donc, au niveau des trois quarts. On n'a pas réussi à choper ces ballons, jamais. Les Écossais ont été astronomiques là-dessus, quoi. C'est finalement peut-être eux qui, en étant bons, ont empêché les Français de l'être. Je ne suis pas d'accord avec Noves. Ouais. Je pense que les Écossais ont joué leur match et ont été très bons. Je pense qu'ils ont bien su jouer les Français aussi. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y avait quand même une stratégie qui avait été élaborée pour battre les Français. Bah, en tout cas, mais là, on a senti qu'il manquait du vice du côté des piliers français. C'est-à-dire que vraiment, les Écossais ont su nous mettre à la faute, je crois... Je crois qu'on gagne qu'une seule mêlée pendant tout le match, ce qui est hallucinant. Alors pourtant, il y a Rabah Slimani, Guirado, qui sont quand même des joueurs un peu expérimentés et qui assurent. Mmh. Et là, ils se font. Du coup, ouais, on sent quoi, ce manque de vis dans cette mêlée et pour pouvoir s'en sortir, quoi. Mais parce qu'il est toujours à la limite de la faute, le pilier écossais. Je sais plus son nom. Ouais. Mais globalement, hein, de toute façon, dans ce tournoi de destination, une des choses aussi, mis à part le jeu au pied, une des choses qui manque quand même à cette équipe de France, c'est justement un petit peu de vis et un petit peu d'intelligence de jeu. Pour essayer de prendre un petit peu par défaut, de prendre par surprise l'adversaire, en faisant quelque chose de relativement inattendu. Le jeu français, il est quand même assez stéréotypé, et en plus, il est assez stéréotypé avec des fautes de main. Donc non seulement il est attendu, mais en plus, il est inefficace. Mais alors tu trouves, enfin moi, il me semble que le jeu français, en fait, depuis l'ère Noves, qui date de 4 matchs, hein, donc... Il est vachement plus exploité que ce que c'était depuis 4 ans, en fait. Je dis pas que c'est pas mieux. Il est pas stéréotypé, alors. Enfin, il est pas transcendant, mais c'est déjà mieux. C'est déjà mieux, effectivement. Je suis d'accord. Par contre, effectivement, il n'y a pas une qualité d'exécution qui soit suffisante pour réussir à des bonnes équipes. Après, ils ont fait des bons matchs comme au Pays de Galles, par exemple. C'était un bon match. Moi, j'ai trouvé que c'était un match qui était intéressant. Mais la capacité d'exécution est insuffisante. Quand on voit des bonnes équipes qui gagnent, effectivement, ils arrivent à faire la dernière passe. Enfin, c'est autre chose quand même que cette équipe de France. Quand ils jouent à la main, ils ne font quasiment qu'écarter sur les ailes. Il n'y a jamais de croisée. Il n'y a jamais de petit ballon par-dessus. Il n'y a jamais... Ça reste quand même un jeu qui est quand même assez... Certes, au moins, je veux dire, ils osent des choses qui n'étaient pas faites avant, par Saint-André, le jeu de ballon à la main, etc. Mais malgré tout, ça manque un petit peu de finesse et de subtilité et de surprise. Hein. Il manque un numéro 10. C'est exactement ça, quoi. Je suis assez d'accord avec toi, sauf que en fait, le numéro 10, à mon avis, le numéro 10 caché depuis longtemps, c'est Trinduc. C'est son premier match, il revient de blessure, c'était son premier match. Il faut juste prendre un petit peu le temps, à mon avis, ça va venir. Quoi. Vraiment, il y a quelque chose qui est en train de se pondre là au niveau du jeu français. Le numéro 10 est primordial dans ce putain de jeu, donc il faut absolument que Trinduc prenne à bras le corps son statut et ça ira en fait. Mais pour le coup, moi je trouve ça assez encourageant et je me tape de perdre en fait contre l'Écosse. Je trouve juste que en termes de jeu, c'était pas si mal. J'attends Trinduc sur les prochains matchs. Je pense que ça va le faire, enfin vraiment, enfin, il est encourageant ce type, hein. il a l'envie, il est aventureux dans le jeu, enfin, je trouve ça pas vraiment stéréotypé. En tout cas, il nous a ramené l'envie, ce qui est déjà pas mal. Qu'on nous donne l'envie, hein, c'est ce que... Comme dirait notre jeune national. C'est le poète. En tout cas, une équipe qui nous a donné de l'envie, eh bien, c'est cette équipe d'Écosse. Cette équipe d'Écosse. Dont je crois l'ami Manuel va nous parler avec son cœur. Et son kilt. Écosse, mon amour. J'aime l'Écosse. Tu aimes l'Écosse, Manuel ? Oui, j'aime l'Écosse, leur aridité, leur bleu. Mais pour les mêmes raisons, j'aime l'Écosse, son aridité de caractère qui revêt le bleu flamboyant sous la pluie battante et les ondées piquantes des mosquitos en kilt. Je n'ai jamais foulé ton sol, cher Scotland, mais cela ne m'empêche pas de te rêver mienne, d'épouser au guidon de ma mobilette chacune de tes courbes qui dessinent les loques, et de masser de mon pied chacun des pavés humides qui parent les sillons sinueux et secrets de tes deux fières et arrogantes mamelles, Édimbourg et Glasgow. Je ne connais aucun des noms de tes représentants footballistiques ou rugbystiques d'aujourd'hui et pourtant... Comment ne pas t'aimer lorsque tu me donnais mes premiers émois de supporter, offrant au prévert de la Beaujoire la toison blonde poussin de Mo Johnston, offrande sacrée de Dundee à sa sœur climatique. Et à ceux, chers Écosse, qui penseront tout bas que je trompe mon bleu, je rétorquerai que je préfère le bleu de chauffe, le bleu nuit, au bleu de la peur, au bleu du lys, que je préfère le bleu qui jadis voulut renvoyer un perfide roi à ses prairies, au bleu qui, se targuant d'une révolution fantoche, ne cessera de réclamer couronne. À ceux qui me reprocheront de t'aimer de circonstance, chère Écosse, lorsqu'enfin, selon eux, tes fiers enfants écossaires ce dimanche les pois français, je rétorquerai que dans mon cœur tu gagnes à chaque fois, ma douce. Que tu gagnais, par exemple, le dernier tournoi des Cinq Nations avant l'arrivée des ignobles simulateurs transalpins. Que lorsqu'en 2015, tu renversas la montagne kangourou, que seule une pénalité litigieuse sauva de l'inéluctable, à la fin, c'est toi qui soulevas mon cœur. Que ton jeu enlevé, tes sautes d'humeur, ton petit côté imprévisible, ta sensibilité apporteront plus au rugby que ne le feront jamais le coq et la rose, nouveaux apôtres d'une rigueur sans imagination. Que finalement, pour moi, néophyte assumé, romantique désespéré, le rugby est un sport qui se joue à 15 contre 15 et qu'à la fin, c'est l'Écosse qui gagne. Car je t'ai dans la peau, ma belle. Mon cœur bat au rythme du tien, tel le chardon, tu m'hypnotises par ta beauté et tu me piques au vif. Ce chardon, emblème de ton 15, qui de son bleu, le tien, émerveillait déjà mes sens quand enfant, j'arpentais les sentiers de mes chères Pyrénées vêtues d'un short au motif de tartan, qui sans le savoir me donnait grâce à toi la force d'atteindre les sommets. Tel Stevenson, rejoignant son âne, celui du lac de Baroud, magnifique loch, noir et bleu impénétrable. Je suis à toi, chère Écosse, aussi longtemps que tu le voudras. Et le docteur me l'a promis, pour te rejoindre, à Murrayfield, il m'emmènera. Peut-être. des bâtons d'Anguirou, la bite dans la porte numéro 2, succursale rugby, une émission concoctée par le docteur Lehmann. Docteur, tout se passe bien jusqu'à présent, j'ai l'impression. Oui, tout se passe parfaitement bien, concocté par mes soins, certes, quelque part, à la baguette, puisqu'il a bien fallu user de cet artifice pour vous faire sortir parfois de vos tanières. Mais bon, vous m'avez bien aidé, et votre sublime chronique et cette superbe appel du pied sous la table m'a fait grand plaisir. Nous profitons du retour en plateau de nos sacrés acteurs pour lancer le deuxième acte de Richards 3. Acte 2, scène 1. Leicester, pub, the British Lion. Atmosphère asphyxiant, odeur de faux. Marguerite Thatcher, Stuart Lancaster. Marguerite à Stuart. Ils franchissent la mer. Seul donc un furieux roc pourrait nous en défaire. Pour chasser ses manants, éboutés d'Angleterre, leur pestilence de coq, le parfum de l'enfer. Licenciés, congédiés, mettez plus bas que terre. Notre peuple, nos enfants, les gueux de l'univers. Voici l'entraîneur à la poignée de fer, faites de l'Ovalie le terrain de la guerre. Stuart à Marguerite. Mon programme, madame, est un peu plus clair. Je condamnerai le jeu, occuperai le terrain. Musclerai ma mêlée, ferai un pack d'airain. Point de passe donc ici, hors des maisons closes. Leur champagne dérobé duquel je vous arrose. Nourrira nos gazons, taira le populo. Abreuvera avant, demi et Aristo. Et que d'économie pour votre ministère. Eh bien, merci pour ce formidable deuxième acte. Merci, c'était une nouvelle fois sublimement interprété. Un deuxième moment très fort où Stuart Lancaster est enfin sorti du bois. Et a avoué à Marguerite Thatcher son projet. Ça nous permet, cher docteur, de passer à la troisième partie, je crois, hein, de notre émission, que nous avons intitulée « France-Angleterre, le péché mignon ». Et oui, péché mignon, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'intitule « Le Crunch ». Le crunch, et nous avions envie de demander au coach spécialiste S bar chocolaté, mais aussi spécialiste S linguistique, de nous expliquer le pourquoi du comment. Coach, dites-nous tout. Alors, crunch est un mot soi-disant anglais qui signifie soi-disant moment crucial pour un soi-disant choc éclatant entre les soi-disant deux meilleurs ennemis du rugby de l'hémisphère nord. En gros, un match entre badass qui ne se joue pas mais qui se gagne. Alors ça, par contre, c'est vrai. Entre ceux qui roulent à gauche et ceux qui roulent à droite, ça devait forcément finir par un accident, paraît-il. Mais tout ça, c'est bullshit, brothers and sisters. Autant oublier tout de suite cette explication cul-de-sac par le langage, no way wikipédiesque et boost de diplomatie sémantique. Cette définition est tout juste bonne pour les rugbyx. Cette soi-disant version officielle nous fait croire que cela a commencé en 1906. Que nenni, mon joie Saint-Denis Dudes. Face à cette basse rhétorique de constipation, j'envoie ma Rosebud attaque. Alors, on nous ment. On nous cache la vérité ailleurs. Bloody hell. L'affaire est en réalité plus grave. Si tout le monde savait ce que taisent les gardiens du Temple Valley, le crunch ferait plus de bruit. Alors, big plaquage cathédrale sur les bisounours. Ce n'est pas cette histoire hate love des meilleurs ennemis. La bataille est ouverte depuis des siècles. Le chocolat qui croustille. Elle a commencé sur un tout autre terrain. God damn it! Alors, le crunch ne transpire pas, les amis, la bite dans la porte, il conspire. Crunch n'est pas le bruit d'un écrasement, d'une fourchette dans le nez, d'une clavicule qui pète ou d'un god qui blesse The Queen. C'est le son déchirant de deux siamois qu'on sépare par écartèlement. Le crunch part au départ d'un constat sans appel. Tout le monde déteste les Français, même les Français. Donc la rivalité anglaise n'est rien de plus qu'une haine parmi les autres, qui ne mérite pas vraiment qu'on s'y attarde, eux-mêmes d'ailleurs ne s'y attardent pas. Alors on oublie la guéguerre de 100 ans entre les mangeurs de grenouilles et les rosbif qui repart pour 100 ans sur un broutage de gazon avec mêlée. Oui messieurs, faites fi de Guillaume le Conquérant et de son trou normand. Faites fi du revenge porn de Jeanne d'Arc. Faites fi du que fils d'anglais était une insulte très répandue au Moyen-Âge. Faites fi de cette histoire belge de Waterloo. Faites fi de Napoléon et sa quête d'appartement pour son Erasmus. Faites fi du coup de Trafalgar commenté par Nelson Mongolito Montfort. Faites fi de la perfide Albion, American Codesucker des traders de la City. Le crunch n'est pas une histoire d'amour ou de tragédie familiale, mais une affaire de chocolat. Du chocolat, brave Jean de la bite dans la porte. Du chocolat ! L'anglais est depuis la nuit des temps comme le cacao, amer. Revenons à nos colonies, poor English. Au milieu de la jungle, l'Aztèque arrache une cabosse à son arbre. Avez-vous déjà vu comment une cabosse de cacao ressemble à un ballon de rugby ? Si ça, c'est pas un signe. L'indigène l'éventre d'un coup de machette. L'intérieur de la cosse est matière translucide et gélatineuse comme une méduse sous la pluie. Voilà l'anglais, jelly translucide et morveuse. On n'y peut rien, c'est comme ça. L'anglais est cacao cru, bien amer et qui constipe. Il restera comme ça. Pas assez de soleil chez lui pour le torréfier. Alors, l'anglais est un pu blanc et fade, et il le sait. Il a conquis la moitié du monde, non pas pour d'obscures volontés de power, mais en connaissance de son amère condition blafarde. Pour mettre du riz qui croustille dans son cacao amer, pour avoir du thé, pour le faire passer. Le français, lui, est chocolat. Sucré et gras, black, blanc, beurre de cacao, vanille des îles, fourré à tout ce que l'on veut, défoncé à la noisette, prêt à être tartiné partout. Le français est chocolat, obèse et aphrodisiaque, mortel pour les chats, les chiens, les rats et les perroquets. Le français est chocolat, il file des boutons, et il le sait. Il a conquis l'autre moitié du monde, non pas pour d'obscurs droits de l'homme, mais en connaissance de son risque d'allergie. Pour se faire de nouveaux copains, qui ne le détestent pas encore en partageant des produits laitiers. Sacre bleu, by Jove, me direz-vous. Entre chocolat et cacao, boutons et pu, on aurait dû s'entendre. Come on, froggies and roast beef. D'autant que cacao ou chocolat, à la fin du crunch, il y en a toujours un des deux qui finit marron. C'est vrai. On a failli s'aimer, anglais, français, on a failli s'aimer, même sans la langue. Kiss my hand and suck my dick. Sauf que l'anglais, avec sa manie perverse de la sauce à la menthe, avec laquelle il a vaincu César et l'Empire romain, il a fini par inventer cette chose contre nature. Cette monstruosité de tea time pour manie anglaise thatchérienne interdite par la Convention de Genève. Une insulte inexpiable au dieu du chocolat, l'After Eight. L'After Eight. Je vois que tout le monde dans le studio voit de quoi je parle puisque vous vous signez. Bloody hell. L'After Eight. Ce mélange infâme de crème dentifrice mentholée avec laquelle du saint chocolat est violé dans son corps jusque dans son âme. The motherfucking After Eight qui demeurera à jamais dans nos cœurs chocolat comme une déclaration de guerre. Un blasphème sacrilège à vanille, outrage, hérésie, profanation à écraser sur tous les fronts. D'où le crunch, crunch, holy crunch. Et ça, ça, bollocks and jacks, ça ne se pardonnera jamais, jamais. Alors, exa crunch et pas de prisonnier. Bravo, bravo mon cher coach pour cette présentation de ce qu'est le crunch à nos auditeurs de La Bite dans la Porte, volume 2. Alors le crunch, mon cher docteur, ça a lieu dimanche prochain, c'est bien ça ? Ça a lieu samedi soir. Samedi soir, pardon. L'occasion de m'excuser auprès du coach, puisque une fois n'est pas coutume, j'étais en régie et j'ai quelque peu glissé sur une manette et voilà, je n'ai pas saisi la perche au bon moment. Effectivement, le crunch, c'est samedi. Et là, forcément, comme le disait l'ami Thomas tout à l'heure, on peut perdre contre les Écossais, on peut perdre contre les Gallois, on peut perdre contre les Irlandais, on peut perdre même contre les Italiens, on n'en a vraiment rien à battre. Puisque le seul match qui est important dans une année, c'est France-Angleterre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre en rugby qu'un France-Angleterre. Et France-Angleterre, dans ces conditions-là, eh bien... Thomas avait peut-être une stratégie un peu frustre. C'est vrai, il proposait des solutions. Il proposait les solutions qu'il maîtrisait à l'époque. Certes, voilà. Bon, il s'est vu sur le terrain peut-être, voilà, un petit peu trop tôt. Mais je suis d'accord avec lui qu'il faut le gagner ce match. Voilà, les gars, qu'est-ce que vous en pensez, vous, là-bas, en studio? En tout cas, peut-être pas le gagner, mais au moins ne pas le perdre. Alors, c'est une bonne question, parce que moi, je trouve que, par exemple, il y a très peu de matchs nuls en rugby. Il y en a eu au début des destinations, là, je crois, Irlande-Galles, qui ont terminé match nul. Mais sinon, en effet, il y a très peu de matchs nuls. Mais contre l'Angleterre, on n'a pas le droit de perdre. Et puis, ça serait, comme on disait tout à l'heure, leur empêcher le grand chelem, ça serait tellement beau alors, pour nous. Mais on... J'ai une question règlement, du coup. Est-ce que s'il y a match nul, il y a grand chelem? Non. Et non. Non. Non. Il faut tout gagner. D'accord. Il faut tout gagner. Ah ouais. Et d'ailleurs, l'équipe d'Angleterre s'est illustrée depuis quelques années dans une certaine capacité à perdre le grand chelem au dernier moment. Et ça, c'est assez savoureux, puisque c'est arrivé depuis une dizaine d'années. Finalement, ça fait, je crois, depuis 2003 qu'il n'y a pas eu de grand chelem anglais, depuis l'année de la victoire en Coupe du Monde, si je ne m'abuse. Et 2003, c'est bien ça? Ou c'est 2007? J'en sais rien. D'accord. Et donc depuis, en fait, l'Angleterre a successivement perdu en fait son grand chelem, me semble-t-il, une fois contre l'équipe d'Irlande, une fois contre l'équipe de Galles et une fois contre l'équipe d'Écosse, en fait, lors du dernier match. Et donc, à mon avis, pour une fois, on a envie de dire, messieurs les Français, tirez les premiers. Mais alors du coup, moi j'ai encore une autre question de néophyte. Les Anglais, s'ils gagnent contre la France, qui n'arrivera probablement pas, d'après ce que j'ai compris statistiquement parlant, mon cher docteur, ne feront pas le grand chelem, mais pour autant, est-ce que leur victoire dans le tournoi peut être remise en question? Non, leur victoire, elle est déjà actée avant la fin de la journée. Donc ils ont gagné le tournoi. Voilà. Ce qui n'est pas arrivé, je crois, depuis très très très longtemps. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire... L'Angleterre a gagné le tournoi destination cette année, malgré tout. Quoi qu'il arrive, ils viendront fêter la victoire au tournoi au Parc des Princes. Qui perdent ou qui gagnent, ça ne changera rien, je veux dire. Oui, enfin, en fait, le tournoi, quand même, enfin, je pense qu'on ne retient pas du tout les vainqueurs d'un tournoi qui ne font pas un grand chelem. C'est ça. Exactement. Le truc, quoi. C'est, on se tape complètement d'une équipe qui a gagné le dernier tournoi. Finalement, on ne sait pas si c'est l'Irlande, le Pays de Galles. Enfin, non, certainement pas l'Écosse. C'est l'Écosse. On peut dire l'Écosse. Enfin, toujours est-il qu'on retient simplement l'équipe qui fait le grand chelem. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, les Anglais peuvent le faire. C'est la seule équipe à pouvoir le faire. Ils jouent en France. C'est le dernier match. C'est le crunch. Donc, a priori, ça va être un gros match. Il me semble que ça va être un match à voir, quoi. C'est un match à voir et je pense que nous aurons des millions de Celtes derrière nous, Celtes qui vont nous encourager pour les souffrances infligées, comme le rappelait coach tout à l'heure, puisque voilà, la perfide Albion ne s'est pas contentée de coloniser la moitié du monde, elle a surtout assujetti ses voisins gallois et écossais et irlandais pendant des années et espérons bien qu'elle le paye. Voilà, les cornemuses et leurs cris déchirants seront derrière nous. J'espère bien, ouais. J'espère bien. On avait Pardon, excusez-moi Thomas. Non, enfin, j'allais dire que... Enfin, il me semble que ça va être un match qui risque d'être piquant. Très piquant. Dans quel sens? Ça veut dire que ça va un petit peu saigner? Ça va un peu... Non seulement, et puis je pense que ça va jouer en fait. Ouais, les Anglais jouent en fait, hein, et les Français depuis Noves jouent aussi. Donc ça va être un match où, à mon avis, il va y avoir des points, il va y avoir des beaux essais, c'est à suivre, ouais, il me semble. Voilà, il faudrait juste que les Français transforment les pénalités. Prennent à chaque fois les 3 points de pénalité, ouais, parce que sinon ils auront quand même du mal contre les Anglais s'ils laissent des points en route comme ça. Coach, je ne vous connaissais pas ce tempérament britannique, même si quelque part je le soupçonnais un tantinet. Mais tout de même, je vous voyais un petit peu avec plus d'audace à tenter des pénaltouches, voilà, à aller défier la première ligne anglaise avec notre mêlée, nos brillants piliers, ce talonneur Guirado qui nous séduit quand même depuis le début du tournoi. Énorme. Énorme pour l'instant. Énorme. Guirado est énorme. C'est un peu un des meilleurs joueurs du tournoi, quand même, il faut le dire aussi. Un vrai capitaine. C'est Guirado. C'est Guilhem Guirado. Guilhem Guirado. Très bien. Moi, je voyais Marie acquiescer à cette histoire de marquer les points, marquer les pénalités. Est-ce que vous avez l'air d'accord avec la tactique du coach, mais est-ce que vous avez un pronostic, Marie, j'avais envie de vous demander pour ce match. Pour le crunch? Oui. Je ne me suis pas posé la question. Moi, ça m'attriste un peu de devoir faire perdre l'Angleterre comme objectif. Ça serait bien qu'on produise du jeu enfin, qu'on n'ait plus rien à perdre, effectivement, et que du coup... On... Mais oui, je ne suis peut-être pas assez... Vous n'avez pas l'air dans le ton, Marie. J'ai l'impression qu'il vous faut un peu plus de hargne. Non, est-ce que c'est une équipe hyper embryonnaire, quoi. Donc, est-ce qu'elle sera assez perverse? Est-ce qu'elle sera assez... J'ai des doutes. Je ne suis pas très optimiste. L'optimisme n'a pas l'air complètement de mise sur le plateau quant au pronostic. Si, moi, je suis un optimisme... j'ai l'optimisme collé au corps. Et je pense vraiment... C'est tellement spécial. Et on connaît les Français face à l'Angleterre. Je crois qu'ils peuvent se transcender. Voilà. En effet, ce qui leur manque, c'est une certaine constance générale. Mais dans la transcendance, on sait qu'ils peuvent, par exemple, aller taper les Anglais chez eux, les priver du grand chelem et nous mettre dans une grande joie. Ouais, enfin, les Anglais, ils ont quand même une Coupe du Monde honteuse à rattraper, à expier, qui s'est quand même passée chez eux. Et je pense que là, le grand chelem pourrait un petit peu sauver l'honneur quand même qui a été bafoué. Hein, c'est cet assez été. Incroyable qu'ils soient revenus comme ça à ce niveau-là. Juste en changeant d'entraîneur et en changeant de capitaine, c'est ça ? Ouais, enfin, globalement, je pense que toutes les équipes du tournoi, pour une fois, à part peut-être un peu l'Italie, mais enfin, tout le monde se tient vraiment, en fait. Hein, ça devient un peu compliqué, ce tournoi, quoi. Et enfin, je suis pas sûr que les Anglais, malgré leur l'envie de revanche par rapport à la Coupe du Monde, puissent taper les Français en France comme ça. À mon avis, ça va pas être si simple que ça, et je crois vraiment que Noves a déjà posé un peu ses bases et on va certainement les surprendre, notamment dans le combat, donc un petit peu de piquant, et puis dans le jeu. Je crois que c'est un truc que Camille aime bien, en fait. Hein. C'est sûr, le doc, pour donner son vrai nom, est complètement d'accord avec vous, mon cher Thomas. Je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait du jeu, mais il faut aussi qu'il y ait des piliers barbus pour piquer. Et ça pose un petit problème. Parce qu'en fait, il y a un problème en première ligne et parfois au niveau des flanqueurs. Et même du numéro 8 de Chouli, par exemple, il y a quand même un problème de dynamisme de la troisième ligne et un problème de stabilité des piliers. Et là-dessus, je vois pas comment en fait on peut revenir là-dessus, puisque Noves a reconduit la quasi-intégralité de l'équipe à part les piliers qui sont sortis sur blessure. Et là-dessus, ça va être très très très très problématique. Il faudra extraire très vite, réussir à stabiliser tout ça, mais ça peut être très très compliqué. Bah, je crois que si on est romantique, en effet, on mise sur une victoire de la France, mais si on est pragmatique, en effet, aux choses qu'on voit actuellement, on voit une première ligne en France qui est en souffrance. Une troisième ligne où on n'a pas vraiment un profil de plaqueur-gratteur vraiment qui empêche de retarder les ballons, les sorties de balles. Une charnière qui n'est pas au top. Des trois quarts centres qui ne nous font pas rêver. Alors que l'équipe d'Angleterre, malgré tout, malgré sa sortie en effet en Coupe du Monde, honteuse pour elle et une joie pour nous Français. On peut dire que, je pense, moi, c'était un concours de malchance pour eux. C'est-à-dire que, en effet, c'est un mauvais choix contre le Pays de Galles. Ils prennent pas les trois points, ils se mettent la pression, ils perdent contre l'Angleterre, ils perdent contre l'Australie après. Mais en même temps, ça fait 4 ans, même cas avec Lancaster, qui sont en train de construire leur équipe et qui existe depuis 4-5 ans et qui se construit, qui a des vrais automatismes. On a une vraie belle ligne trois quarts chez les Anglais, avec des mecs comme, comment il s'appelle, Joseph, qui est magnifique, leur arrière que tu parlais, Mike Brown, qui assure. Et ouais, toute l'histoire de l'équipe de France, ça part sur des matchs où on est donné absolument perdant. Hein. Enfin, c'est en ça où je pense que on peut vraiment créer la surprise la semaine prochaine. Vraiment, on est donné perdant, mais du coup, évidemment, la France peut juste sortir le match de tueur. Et je suis pas aussi sûr que vous. Alors j'ai peut-être un pronostic quand même, c'est qu'à mon avis Noves ne va pas reconduire Poirot, parce que ses grattages, enfin dans le genre plaqueur gratteur, il a échoué. Hercule Poirot. Pourtant c'est un chasseur d'indices. Bravo. Bravo. Merci. Moi je il lui manque peut-être le V de victoire à ce Poirot. Je ne peux pas répondre, moi, à votre question, Marie, ne connaissant ni le joueur ni le rugby. Par contre, j'avais envie de ramener, excusez-moi encore, le débat à une question un peu pilositaire, puisque j'entendais tout à l'heure qu'il manquerait peut-être de gros piliers barbus à cette équipe de France. Ça voudrait dire qu'il y aurait peut-être trop de gouttières dans le rugby français actuellement. Mon Dieu, t'as raison. Mmh. Et face à des Anglais qui, eux, se rasent, j'ai l'impression. Hein, y a... Alors, c'est un peu possible. Ce n'est pas pour ça qu'on va jalouser la pilosité des Anglais, qui, là-dessus, sont quand même épouvantables. Quand on voit toutes les équipes, par exemple, les Anglais sont les seuls à présenter quasiment tous des coupes de néo-nazis. C'est vrai que ça n'a pas encore marqué la plupart des équipes. Quand on voit les équipes d'Italie, par exemple, voilà, tout ça est très respectable. Mais alors, les Britanniques, une grosse colonie de raies sur le côté, alors j'imagine. Oh, des choses indicibles, mais qu'on connaît bien dans votre sport référent, mon cher Manuel, quoi. C'est épouvantable. Mais bon, j'évoquerai l'affaire tout à l'heure. Ben justement, docteur, il est temps d'évoquer l'affaire, pas tout à l'heure, mais maintenant. On avait prévu, si on avait assez de temps, d'illustrer un peu ce débat par un petit extrait sonore qui, je crois, parlait d'un match où les Français avaient empêché les Anglais de gagner le tournoi. Hein. C'était ça, non ? Non, pas du tout. Ah, ouais. C'était le chef-d'œuvre de Saint-André, ce type qui avait juste réussi dans sa carrière à perdre 55-35 contre les Anglais à Twickenham. Oui, mais c'était un match qui empêchait les Anglais de gagner le tournoi. Ah, s'ils avaient marqué 6 points de plus, les Anglais gagnaient le tournoi. J'ai regardé, moi, cet extrait. Exactement. Mon cher docteur. Je m'excuse, mon cher Manuel. C'était un test match. Ah non, non, je crois C'était le dernier match du tournoi. C'était le match du tournoi, 55-35. Bon, en tout cas, on n'a pas le temps, puisque c'était marqué sur le fil conducteur de l'émission. Si assez de temps, nous n'avons pas assez de temps. C'est donc à votre tour d'officier pour votre traditionnelle chronique. Que je ne présenterai pas. Ben j'espère. Et que je n'intitulerai pas pour aller plus loin, mon cher Manuel. Très bien. Évoquer le numéro 10 floqué sur le dos du maillot blanc immaculé des joueurs anglais, c'est de se jeter immanquablement dans la souricière magnifiquement tendue par l'héréditaire adversaire, lequel a généreusement tout misé sur son demi d'ouverture pour susciter des poussées d'urticaire chez le téléspectateur étranger moyen. Il faut en effet supporter, si ce n'est idolâtrer l'équipe d'Angleterre, pour accepter périodiquement le passage à l'écran de l'homme qui préside désormais aux destinées du 15 de la Rose, Owen Farrell, indiscutable demi d'ouverture anglais depuis 2012. Nul descriptif ne pourrait parvenir à résumer l'effroi saisissant l'aficionado quand l'homme s'empare du ballon, qu'il tape au pied, s'enfonce à la défense ou s'essaie à une passe vissée. Grimace, tapement de pied, poing serré, projection mentale d'un djihadiste à la gâchette soudainement intéressé par les sacrilèges capillaires, voire d'un éléphant s'échappant miraculeusement d'un jet privé pour s'échouer sur notre homme. Faute d'espoir de voir s'effondrer Farrell sur la pelouse, les 80 minutes que dure un match contre l'Angleterre tiennent souvent du supplice. Pisse encore, quand votre compagne passant par là l'estime mignon, vous renfrognez et jurez à jamais ne remettre un pied chez un coiffeur. Pour résumer la situation, regardez le 15 de la Rose, c'est voir apparaître la moitié du temps Owen Farrell. Et c'est un peu comme si Cristiano Ronaldo tirait 8 pénaltys par match. On nourrit donc quelques regrets en se remémorant la longue parenthèse Johnny Wilkinson qui, s'il réussit à porter son équipe nationale au firmament, avait peut-être réussi l'incroyable défi d'avoir encore moins de charisme qu'un Lionel Messi. Wilkinson, comme ce dernier, disposait au moins d'un mérite tout autistique et louable dans ce genre de configuration, celui de ne pas se regarder jouer. Chers auditeurs, la dialectique du buteur et leurs figures imposées, en filigrane des deux sports de ballon les plus populaires, aurait constitué une chronique méritoire, enorgueillissant une nouvelle fois ma cheminée croulant sous les nominations au Machat d'or. Pourtant, au risque de vous surprendre et surtout de vous décevoir une nouvelle fois, j'ai décidé de vous parler, malgré cette intrigante introduction, d'un autre personnage, d'un autre numéro 10 anglais, tout de même, dont la capacité de nuisance a en réalité été bien supérieure pour la planète rugby. Formé au St. John's College de Cambridge, éphémère prodige du cricket, Rob Andrew n'a pourtant jamais affiché la prétention de ses glorieux successeurs. Affublé d'un tel diminutif, au lieu de choisir Bobby ou Bob comme alternatif au pompeux Robert, notre ami fit très tôt le choix de bannir toute fantaisie de son code de conduite. On retrouvera d'ailleurs ce trait de caractère dans la longue lignée de numéro 10 engendrée par le triste Rob Andrew, si ce n'est dans la transformation d'un rugby devenu moderne, car devenu chiant. Autant dire, par exemple, qu'il est impossible de comparer Rob Andrew à un quelconque joueur de football de l'époque. Ou si quelqu'un se souvient du nom du capitaine de la Wunderteam, l'invincible équipe d'Autriche, qu'il se signale. L'homme présente certes des caractéristiques communes à d'autres figures d'épouvante, comme celle de faire disjoncter ses adversaires. À ce titre, on pourrait filer la métaphore avec un illustre joueur contemporain, muni lui aussi de longues quenottes et capable de rendre fou n'importe quel supporter de l'équipe adverse. Mais primo, Luis Suarez a du talent. Deuxio, Rob Andrew n'a jamais utilisé ses atouts de rongeur pour s'essayer à une quelconque mise en situation anthropophage. Non, surnommé Squeaky, l'homme qui délaissait les chevaux et préférait chicoter à l'oreille de ses éléphants, forcément rose, tenait peu du rat affamé et sans peur, dépourvu qu'il était d'une trop visible agressivité. Rob Andrew correspondait davantage au rongeur de la fable de La Fontaine, celui qui dompta le lion. Patience et longueur de temps. Patience et longueur de ton, ces irréductibles ennemis de quiconque souhaite mater une rencontre de rugby un temps soit peu correct. Et c'est pourtant bien ce qui nous fut promis pendant presque une décennie. Rob Andrew ne fut en effet pas étranger à cette série de 8 victoires consécutives sur l'équipe de France entre 1989 et 1995. Scrum, 9, 10, Hoppenende. Scrum, 9, 10, drop, penalty. Durant cette période de vache maigre où l'Angleterre, certes, avait posé sa botte sur l'Europe, celle d'un certain Rob, où les scores étaient systématiquement des multiples de 3, où le championnat de France se résumait à une tortue béglaise qui propulsa même Moscato dans un maillot bleu, qui l'eût au fait de rougir, ailleurs le rugby avançait, observait, se défaisait parfois de ses carcans, réinventait des ailiers, un peu moins wasps, Chester Williams, John Alomou et Mylène Tamac. Sûr de sa force, la perfide Albion s'en vint donc régler son ultime compte à rebours, en Afrique du Sud, en 1995, où tout ce petit monde jouait. Ce petit monde jouait tellement, d'ailleurs, qu'il en devint professionnel. À trop jouer avec le feu, on se brûle les doigts. Rob en savait quelque chose, lui qui se débarrassait presque automatiquement du ballon après l'avoir effleuré de la dernière phalange, pour mieux lui botter le cul et l'envoyer à dame. Certes, d'un drop, Rob écarta l'Australien, retourna à sa chasse au dingo, mais il fut ensuite piétiné par les ogres noirs, avant de passer, dernière des illusions, sous les fourches codines d'un coq qui, pour une fois, s'était présenté avec ses plus belles plumes. Rob Andrew ne disparaîtra jamais vraiment. Qui entraîneur des buteurs, qui au micro, qui est la fédération, Rob est bien une âme damnée de l'Ovalie, comme seul le rugby se plaît à les enfanter. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care, all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Vous êtes sur Radio Galère, c'est Des Bâtons d'Anguirou, La Bite dans la Porte, deuxième épisode. Vous reconnaissez actuellement à l'antenne le morceau Eleanor Rugby, cher au coach. Et on écoute juste la fin. À vous, docteur. Acte 3, scène 1. City of London. Siège d'HSBC. John Murray Dan Bigger. Stuart Lancaster. Saint Andrew, Bernice Dow, Margaret Thatcher, John Mary Dan Bigger. Au fond de la balle, à l'aile, la vie est belle. Et pour qui osera sauter un partenaire, s'ouvrira la béant, le sésame de l'embute. Je rendrai cet hommage à ma belle tourtelle et à son doux mari, le prince de Buckler. Quand dans le vestiaire, je baisserai mon calbute. Stuart Lancaster. Rumble tes oripeaux, ces attrapés trompeurs. La victoire se gagne dans les coups et les heurts. Vos demis étouffés par de féroces flankers trembleront, glisseront, paralysés de peur. Saint Andrew pour lui-même. Ma foi de Goret, sur quel le pied danser, remisé au placard, mes faits d'armes du passé. Si ce n'était de l'art, au moins c'était cochon. Cette vie de grognard, ces nuits de passachon. Maintenant, la victoire précède la manière, agitant un mouchoir et tuant le French flair. Bernard Tudor. Quel nez aquilin possède donc un flair? Ce jeu fait pour les chiens où toujours l'on perd. Renoncez, abdiquez, faites teinter le fer et laissez vos cerveaux pour toujours au vestiaire. Marguerite Thatcher. Il existe chez vous de si brillants stratèges quand tous nos capitaines se remplissent de neige. Nous qui croyons alors posséder de l'avance, pour la soif de l'or, le Frenchie est en danse. Et quel championnat que ce top 14! Que de sang, de combat et de brillants salaires! Plus de patrie, de cœur, mirobolant transfert qui enterre les penseurs comme cet André Gordes. Il vous faudra pourtant bientôt vider les stades, remettre aux dominants privilèges de loisirs, expurger la racaille de ses petits plaisirs, la faire s'entretuer dans un dernier djihad. D'entendre le dernier acte de cette pièce écrite par le docteur Lehmann pour L'habit dans la porte. Une pièce que l'on retrouvera, j'imagine, bientôt dans un théâtre, peut-être le petit théâtre de poche ou je ne sais pas. Ou au Stade de France peut-être. Ou au Stade de France. Richard the First. Richard III. On termine cette émission, docteur. Avec humour, comme d'habitude, hein, avec truculence. Humour et truculence. Dites-moi tout. Je crois que l'ami. Alors, on devait avoir un autre invité, l'ami Pastisman. Le quiz. Sombre affaire. Une sombre affaire. Pastisman a dû déclarer forfait, mais il vous a légué le fruit de son travail. Exactement. Pastisman m'a annoncé, hélas, avoir probablement fait une rechute et ne pas pouvoir être présent ce soir. Heureusement, il a réussi à appuyer sur le bouton envoyer de son adresse mail et a réussi à nous envoyer donc ce testament qui est un quiz dont je ne connais pas la teneur puisque je voulais imprimer à l'aveugle, mon cher Manuel. Alors je me lance, c'est un quiz intitulé France-Angleterre, 10 questions, 1 point par question. Je vous annonce d'avance qu'il y a généralement un choix multiple dans les réponses, donc je vous conseille d'attendre la fin de l'énoncé avant de vous prononcer. Êtes-vous prêts, chers amis? Prêt? Oui. J'aimerais juste une... Dites-moi, docteur. J'aimerais savoir si nous avons le droit à plusieurs réponses. Absolument pas. Non, une réponse par personne. Oula. C'est pas mentionné, mais j'ai décidé d'apporter moi-même mon concours à la réussite de ce quiz de Pastisman. Tu vas avoir du mal à gérer. Peut-être, mais on va voir. Je vous regarderai bien dans les yeux. 1907. symbole de la relation entre l'Église. 1907, symbole de la relation entre l'équipe de France et le 15 de la Rose, le premier essai anglais lors de leur première confrontation est contesté. Pourquoi ? En avant, hors jeu, pied en touche. En avant. Pied en touche. Hors jeu. Hors jeu. Bah écoutez, on a le choix dans la réponse. Le problème étant que j'ai l'impression que vous n'avez pas imprimé les réponses, mon cher docteur. Donc on va pour l'instant laisser ce quiz sans résultat. Les réponses sont enregistrées. Nous livrerons donc par conséquent le résultat de ce quiz la prochaine fois. On peut donner quand même le numéro de téléphone à l'ami Pastis quand même. Le 04 91 08 28 10. Au cas où, Pastis, si tu nous entends, fais-nous signe. Voilà, tu pourrais à ce moment-là donner les réponses en direct. Donc première question, il y a eu des réponses. Pour l'instant, c'est un peu partagé. Je me souviens plus de ma réponse. Au moins, c'est que l'une des réponses est bonne. L'une des réponses est bonne. Donc, en avant. Tu te souviens de ta réponse, toi ? Oui, moi, hors jeu. Moi, je sais plus. C'était pied en avant. Moi, j'ai dit en avant. Ouais. Alors, en avant pour Thomas Quentin. Pied en touche pour le doc. Position de hors jeu pour le coach. On continue. 1927. André Beautegui. En avant. Ah, je ne connais que le nom. Bien connu. Homme du match et artisan de la première victoire française face à l'Angleterre se distingue en jouant tout le match. Pieds nus, un béret basque vissé sur la tête avec une baguette de pain venu, en fait, sous quoi. Le bras. Pieds nus. Bah, baguette. Des baguettes de pain à la place des chaussures. Des baguettes de pain à la place des chaussures. Ce quiz est un grand succès pour l'instant, hein, je crois, au niveau, radiophonique, tout simplement. Troisième question, à l'issue de l'édition de 1931, la France est exclue du tournoi par les Britanniques pour faits de violence et soupçons de professionnalisme. En effet. Fourchette. Vous êtes disqualifié, ce n'était pas dans le choix multiple. Ah si, je viens de comprendre quelque chose. Hop, hop, hop, hop, il y a des réponses en gras. Voilà, c'était peu visible à l'impression, mais je viens de m'en apercevoir. Donc, en avant pour la première, c'est Thomas Quentin qui a marqué un point. Yes. La deuxième question, aucune personne n'a répondu à un béret basque vissé sur la tête, donc il n'y a pas de point pour cette deuxième question. La troisième question, à l'issue de l'édition de 1931, la France est exclue du tournoi par les Britanniques pour faits de violence et soupçons de professionnalisme. Violence. Deuxième mauvaise réponse. Le 15 de France sera réduit à disputer des matchs amicaux pendant plus d'une décennie. Quel sera l'adversaire le plus rencontré pendant cette période ? Pour l'instant, personne la ne Roumanie. Se lance. L'Irlande. Le Racing Club de Toulon. Alors, 1, Allemagne, 2, Italie, 3, Roumanie. Roumanie. Italie. Allemagne. Roumanie. Allemagne, un point pour le coach qui a su attendre son heure dans cette question. Et donc, ça fait un point pour le coach. En 63, l'Angleterre remporte le tournoi seule et met ainsi fin à l'hégémonie d'une équipe qui avait remporté les 4 dernières éditions. Quelle était cette équipe ? Le Pays de Galles. Non. L'Irlande. On voit les réponses. Normalement, t'as plusieurs réponses. Eh bien, France, Galles, Écosse. Ah ben, Écosse. Oh. Bah, c'est simple, du coup. France ? Bah oui. Bien joué, coach. Deuxième point pour le coach. La France de Lucien Mias remporta le tournoi de 59 à 62, ne partageant les trophées qu'en 60 avec les Anglais. En 67... Les Français l'emportent à Twickenham. Le capitaine Christian Darwy envoie le message suivant au président de la République, le général de Gaulle. Il lui dit « Je vous ai compris. Mission accomplie. » Ou bien troisième possibilité, merci Pastis, « Allô papa, tango, Charlie. » Mission accomplie. Et c'est le coach qui a dit avec beaucoup plus d'énergie que vous, mon cher Doc, puisque vous êtes à côté de moi, un bras sur le front, tel le penseur de Rodin. Je vois que vous avez perdu toute votre niaque au moment de ce quiz. C'est pas bon pour les points, ça. Donc ça fait déjà 3 points pour le coach, 1 point pour Thomas. 3, ouais. Même si il me semble qu'il a dit mission accomplie, papa tango Charlie. Ouais, c'est possible. En 73. Ah. Ah là, on se rapproche. Hein. C'est un quiz. Une bonne année. Ouais, c'est une très bonne année. Mm. On saura pourquoi. L'édition du tournoi des 5 nations est restée dans l'histoire. Quel y a été le résultat de la France ? Allez, là, je donne pas les... Ex aequo. Ex aequo, ça, c'est une réponse. Grand chelem. Bah oui, grand chelem. Cuillère de bois. Premier grand chelem. Mais comment on peut avoir un grand chelem ex aequo, là ? Moi, je dirais une cuillère de bois. Une cuillère de bois, un grand chelem. Ex aequo avec quelqu'un d'autre. Y a-t-il d'autres réponses? Aucun essai marqué. Zéro point pour les Français. La France a gagné ce tournoi. Et fait unique dans le tournoi, toutes les équipes gagnent chez elles et toutes terminent à la première place avec 4 points. Donc, le résultat ex aequo donné par Renaud est validé, ça fait un point. Voilà. En 77, la bande à Fourroux, ou Fouroux, je ne sais pas comment... Fouroux. Remporte le deuxième grand chelem de son histoire. Quelle est la particularité de ce grand chelem? 1. Le score des quatre matchs était identique. 4 capitaines différents furent utilisés. Il a été gagné avec les 15 mêmes joueurs. 15 mêmes joueurs, bonne réponse du doc. Ça fait un point pour vous. Fait unique dans les annales, 15 joueurs disputèrent la totalité des matchs. Je vous les cite pour la beauté du geste. Les 15 Aguirre, Ariz, Bertrand, Sangali, Averroux, Romeu, Fouroux, Bastia, Scrella, Rive, Palmier, Imbernon, Papa Rambord. Palmier Robert, était un Papa violent. Palmier, Paco, Palmier, gros violent d'ailleurs. Et Cholet. Fabien Peloux détient le record de sélection avec 118 caps. Qui est deuxième avec 111 sélections? C'est là. Oh là là là là, retour dans la bataille du doc qui marque là son deuxième ou troisième point, je ne sais plus. Deuxième point, le coach est talonné. L'actuel entraîneur du SU Agen a commencé sa carrière en bleu en 82 et l'a terminé en 95. Il a 111 sélections, il a marqué 30 essais. Quel est le meilleur réalisateur de l'équipe de France? Vincent Clerc. Le meilleur réalisateur? Je crois que c'est Vincent Clerc. Réalisateur? C'est pas parmi les joueurs de l'équipe de France qui a fait le plus de films ou les meilleurs films. C'est pas ça la question. Ce qui a marqué le plus de points. Thierry Lacroix. Non plus. Michalak. Non, je dirais. Michalak. Alors j'ai donc 3 propositions pour l'instant. Vous n'avez pas trouvé la bonne. Il y avait Thierry Lacroix. Ce n'est pas lui. Eh bien, c'est peut-être. Balance tes 3 noms là maintenant. Mais par contre, il faut pas que tu oublies. Dimitri Yachvili. Mais non, c'est Michalak maintenant. Non, mais t'as plus le droit de parler toi. Ou Christophe Lamaison. Dit Titou. Ouais, c'est Titou en fait. Hein. C'est Titou, ça craint en fait. Oh. C'est lui. Non, ça craint pas Titou. L'homme de 97 de la victoire à Twickenham, les 2 essais. Non. C'est Titou Lamaison, un point pour Thomas Quentin. Titou totalise un total de 380 points. Désolé Titou. 2 essais. On peut vérifier. 59 transformations, 78 pénalités, 6 drops en 37 sélections. Il a notamment marqué 28 micro, en fait, des 43 points de la victoire des Bleus sur les All Blacks en Coupe du Monde 99. Merci Bastis pour ce... Ah ben non, il reste une question, puisqu'il y avait une troisième page à ce quiz. C'est une question banco? C'est une question banco, on remet les compteurs à zéro. Oh, il n'y aura pas de proposition. Et là, ça va se jouer à la gnaque. À Grinta, tu veux dire? Ce même Titou Lamaison réussit un ex... À la Grinta, effectivement. Mais on peut employer ce mot... fameux argentin. On peut employer ce mot Grinta en rugby, on a le droit? Écoute, je sais pas. Je viens de faire un foot avec un argentin qui emploie ce mot tout le temps. On le salue pas. Ce même Titou Lamaison réussit un exploit face à l'Angleterre en 97 qu'il réitérera. Essai plus passe décisive. Non, essai drop. Il marque tous les points, il marque 17 points. Réitérera face au All Black en 99. Lequel? Alors, un brelan, un full house, une suite royale. Une suite royale. Je dirais Elisalde. Une quinte fuck. Quinte fuck, mon cher coach. Vraiment. Marie, faut pas rire. Faut pas rire à ça. Personne n'a rigolé. Et personne n'a répondu pour l'instant. Excusez-moi, mais j'étais en Autriche. J'ai écouté ce match en Autriche. Et je me souviens que Titou Lamaison a marqué un essai, puis a passé les bras pour faire une passe décisive, oui, puis a marqué la pénalité. J'arrête ce quiz, c'est n'importe quoi. Non, mais en fait, il y a un truc qui est assez important, c'est est-ce que Doc, tu défends vraiment Titou Lamaison, quoi? Oui, j'ai un autographe de Titou Lamaison. Mais oui, t'as un autographe, à la tu le défends vraiment en termes de rugby. Vous avez un autographe de Titou Lamaison, c'est un truc qui t'intéresse, quoi. Titou Lamaison, quoi. Titou, c'est un joueur de la battute, c'est la MIFA, et je le défendrai toujours. Alors on va conclure cette émission si vous le voulez bien. C'était quelqu'un qui faisait, du dessin, coach, c'est un s'il vous plaît. Coach, s'il vous plaît, on sortira se battre dehors tout à l'heure. Mais j'avais une dernière proposition, je crois, de Renaud à cette question. En effet. Dites-moi. Tout simplement un essai, aussi une pénalité et aussi un drop, le fameux brelan. Écoutez, c'est à peu près ça. Un essai, une transformation, un drop dans le même match. Et donc un full house, coach, s'il vous plaît. Et un carton jaune. Arrêtez de me couper la parole, coach. Ça suffit. On conclut cette émission, cher docteur, par la victoire de Renaud dans ce quiz, puisqu'il a remporté la question banco. Et on la conclut avec nos remerciements. Vous êtes un peu tous agacés, je crois qu'on va aller régler ça dehors. De toute façon, le rugby fait monter la tension. On se retrouve dans 15 jours, docteur, coach, avec une émission qui sera un peu particulière. Une émission qui ne sera pas rugbystique, ce ne sera pas la bite dans la porte, ce sera de nouveau des bâtons d'Anguirou, ce sera une émission reprise de volée, mon cher coach, une émission un petit peu conceptuelle. Voilà, nos auditeurs vont être un peu déroutés, je crois. Où des bâtons d'Anguirou va enfin se pencher sur ce qui est le plus important pour lui, c'est-à-dire des bâtons d'Anguirou. C'est-à-dire lui-même. Merci beaucoup, mon cher Thomas, merci Renaud de vous avoir fait le plaisir de venir, et merci à vous, ma chère Marie. J'espère que vous reviendrez, parce que c'était très agréable de vous avoir en plateau. Je vous remercie, j'étais ravi. Coach Doc, à bientôt, et puis on se quitte en musique. Ciao. Il y a un peu